Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase. C'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. Et le Flycase, eh bien, c'est reparti jusqu'à 16h. Soyez les bienvenus si vous venez nous rejoindre. Très très bon après-midi avec cette semaine, eh bien, une fois de plus, pas mal de changements. Nouveau numéro 1, peut-être tout à l'heure, aux alentours des 18h. Je vous rappelle que la semaine dernière, c'était le groupe Dele Sosimi Afrobeat, un gros tube, un gros carton sur Galaxy, avec Too Much Information, le remix de La Houlou. En sera-t-il encore question? Eh bien, rendez-vous tout à l'heure, aux alentours des 18h. En attendant, on vous en parlait, 2 entrées et 2 sorties. La sortie de Atlas Genius avec Molécule. Et petite apparition également dans ce classement pour une production locale, ça s'appelle Tim Baresco et le titre Marilyn Monroe. Numéro 20. Eh ben ça y est, on est parti tout de suite dans ce classement avec un titre inchangé par rapport à la semaine dernière. C'est toujours 20e, c'est toujours Lanterne en rouge, ça s'appelle Me and My Tooth Bros. Voici Gold Member avec un sample des Sister Sage et Frankie Smith. titres qui te font bouger, c'est Fly Case, c'est numéro 19. Un petit tour de magie sur Galaxy, 19e pointé dans ce classement. Évidemment, 7 plaise au moins. C'était Roisy Murphy avec Evil Eyes, le remix de Clapton, et juste auparavant, Me and My Sooth Bros avec Gold Member. C'était entré la semaine dernière et c'est une position stationnaire. Bon après-midi, restez avec nous. Les 20 indispensables sur Galaxy numéro 18. Thank you. Flycase. Sur Galaxy. Numéro 17. Flycase. Nouveauté. Like Flycase et les 20 titres incontournables. Ça se déroule comme ça tous les samedis entre 16h et 18h avec les 20 titres à posséder absolument chez vous. Avec la position numéro 16 à l'instant. Une place de mieux pour Kunsteak, Découverte Galaxie avec Echo Snowmass. C'est la version remix numéro 17, la première entrée. Il y en a deux au total cette semaine. Sony Fodera et Yasmine avec Feeling You. Et numéro 18, pas de changement par rapport à la semaine dernière. C'est le grand retour de Mark Lower avec ce titre de Ben Delay. Ça s'appelle Boy Is Mine. Et c'est une version remix. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Et nous sommes samedi et ce soir sur Galaxy à partir de 20h c'est Jérôme Bay que vous allez retrouver. 21h Franck Lido, 22h Digitom, 23h Marty. À partir de minuit Storm, 1h Digigus, 2h Mark Lower, 3h Seth Santos et Pierre Terry pour clôturer cette soirée à partir de 4h avec un nouveau mix tout à fait exceptionnel. Tout de suite voici Dimador, c'est une proposition d'entrée, ça s'appelle Rise. D'histoire de la musique électronique.

Numéro 14. Et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la 15e position à la 116e, 14e même carrément, une place de mieux. Pluck and Fitch, oui, c'est les premiers rayons du soleil, ça me fait bizarre en fait. Hein. Pluck and Fitch avec Tears, ex numéro 1 de ce flaquet, c'est juste pour avant, ça perd 5 places, grosse gamelle pour Damien Lazarus avec We Will Return, c'est le remix de Infinity Inc. Dans un instant, la position numéro 13 et la position numéro 11. Pour te faire bouger, Flygaze, numéro 13, Flygaze, nouveauté. We're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. We're half a tank and empty heart, pretending we're in love, but it's never enough. Nah, as a sign to fill the lonely end. Oh, how did we get here now, now, now, babe? We see a storm is closing in, pretending we. Hold on. Hold on. indispensable. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 11. l'histoire d'un musicien de jazz qui s'appelait Herbie Hancock dans les années 80-83 avec un clip totalement futuriste, un titre qui s'appelait Rocket. Ça vient d'être remixé il y a quelques jours par Lucas M. Ça s'appelle Rocket et c'est un remix de Stefano Noferini. Numéro 20. Allez, on y va, voici le récapitulatif de ce classement en ce samedi 30 janvier. Numéro 20 cette semaine, pas de changement par rapport à la semaine dernière. Pour Me and My Tooth Bros avec Gold Member. Numéro 19. Rosie Murphy pointé numéro 19, 7 places au moins. C'est la plus grosse gamelle cette semaine pour Evil Eyes, le remix de Clapton. Numéro 18. Numéro 18, Ben Dilly avec The Boy Is Mine. C'est un remix de Mark Lover. Numéro 18, pas seulement par rapport à la semaine dernière. Deux entrées cette semaine, la première est positionnée numéro 17, Sody Fodera, c'est le grand retour également pour elle avec le titre Feeling You. Numéro 16. Numéro 7, Cut Snake, découverte Galaxy il y a quelques semaines déjà de ça, ça s'appelle Echo, le remix de Snowmass, une place de mieux. C'est son deuxième titre dans ce classement du Flycase depuis le mois de septembre. Damien Lazarus, on l'a découvert d'ailleurs au mois de septembre, avec le titre We Will Return, le nouveau Infinity Inc. C'est le remix 5 places de moins cette semaine. Numéro 13. Ex-numéro 1 de ce classement, Broken Fitch avec Tears. C'est la numéro 14 cette semaine, ça gagne une place. C'est la meilleure entrée pour cette semaine, il s'appelle Duke Devon. Grand retour également dans ce classement avec le titre Ocean Drive, c'est le remix de Michael Calfan. Numéro 11. Ramon Tapia, bah le retour d'un vieux de la vieille. Hein. Ça s'appelle Yellow Submarine, numéro 12. Et ça gagne deux places cette semaine. Galaxy. Numéro 10. Et entre deux, il y avait la position de numéro 11 qu'on vient de s'écouter également avec This Is I et Tikerin Fox, ça s'appelle Come See Me. Tout de suite, voici la position numéro 10. Les 10 premiers, c'est maintenant. Voici Yonatos et Anna Nakla. Ferme les yeux, c'est vachement beau. Ça s'appelle Hush. Numéro 10. Flycase avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 9. Titre que vous n'entendez que sur Galaxy, positionné numéro 9 cette semaine dans le classement du Flycast, c'était Polyester avec Catherine. Numéro 9, numéro 10, juste auparavant, Unotos, ex numéro 1 de Flycase également, avec la charmante voix de Anana Club. Ça s'appelle Hush et c'est le remix de Bebeta. Restez avec nous dans un tout petit instant, la 8ème position. Ça perd deux places cette semaine. Alex Goffer et Étienne de Crécy avec Smile. Les 20 indispensables. Yeah, yeah. Flycase. Numéro 8.

Olivier Curtis. Je t'aime comme la vache me l'herbe. Numéro 6. Scratch your noise. Les 20 titres incontournables, positionné numéro 6 à l'instant, place de moins pour Popol Disco Machine avec cet ex numéro 1, s'appelle Yo, numéro 7, une place de mieux pour Kovari avec O'Shea et Rise, et pointé numéro 8, ça perd deux places cette semaine, c'est Alex Goffer et Etienne de Crécy avec Smile, deux places de moins, c'est à vous de voter, hein. Je vous rappelle Facebook, Flycase, on écoute toutes vos propositions, on fait une petite sélection et puis on vous les propose bien évidemment. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et rendez-vous mix ce soir sur Galaxy, comme tous les samedis d'ailleurs, à partir de 20h, c'est Jérôme B que vous allez retrouver, 21h, Franck Lido. À partir de 22h, DJ Tom, 23h, Marty, à minuit, Digistorm, à 1h du mat, DJ Gus, 2h, Mark Lower, à 3h, ce sera Seth Santos, et à 4h, ce sera Pierre Terry. Pour terminer cette soirée, tout de suite, voici une petite proposition d'entrée. Ça s'appelle Jen Ferry, ça c'est le nom de l'interprète, le titre Time est juste après. En plus, on a encore un petit peu de temps, on se proposera une autre proposition avec Lucas Debonnaire et le titre Keep This Party Rocking. Bon après-midi. Électronique a une âme. Chut. Écoutez. Écoutez. Écoutez. Elle va parler. Elle va parler. Yeah. Les 20 titres qui te font bouger. Flycase. Numéro 5.

time to make the club go up. Flycase, yeah, Flycase, numéro 10. Flycase, les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la 10e position. C'était Yonatos et Anak Neklab. Le titre Hush, ça gagne une place. Numéro 9, complètement déjanté citron. On adore ça, ça perd 4 places malgré tout. Un numéro 9, c'est à vous de voter Facebook Flycase. Ça s'appelle Polyester et Katrina. Numéro 8, ex numéro 1 de ce classement, 2 places de moins, ça s'appelle Alex Goffer et Étienne de Crécy avec Smile. Numéro 7. Petite place de mieux cette semaine pour Kovari avec Oh Shall I Rise avec l'accent du samedi en plus numéro 7. Numéro 6. Ex numéro 1 de ce classement, Purple Disco Machine, le grand tour également dans ce classement avec Yo numéro 6. Numéro 5. Numéro 5, petite perte également de 2 places, ex numéro 1 pour Fred Everything et Gina Douf avec Chanting, leur mix d'E-tron. Numéro 4. C'est la plus forte progression pour cette semaine, 9 places de mieux, peut-être un futur numéro 1, en tous les cas c'est à vous de voter. Je vous rappelle Facebook Flycase, Red Axis et Abrao avec Sabor. Numéro 3. 4 places de mieux cette semaine, c'est DJ Leroy qui nous revient avec une version remix I Get Deep, le remix de Late Night. But I catch myself right on time, right in line with the beat. Et enfin, pas trop de changement pour les deux premiers cette semaine, numéro 2. Pas de changement pour voir la semaine dernière pour Return et Calo avec Rinse and Repeat. Galaxy Flycase. Flycase. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. On vous l'avait dit, pas de changement par rapport à la semaine dernière, c'est toujours le numéro 1. Et puis vous êtes nombreux à nous demander les références de ce titre. Le groupe s'appelle Dele Sosimi Afrobeat et le titre Too Much Information, c'est une version en X. Ça s'appelle Laoulou. Dans quelques instants, c'est Mette le Matou, il se prépare, là, il est à l'avance. Eh oui. Anybody you do, My own business, not to make my business. I did expose myself to the public. Numéro 1 cette semaine du classement de Flycase, tout comme la semaine dernière, c'était Delesso Simi Afrobeat avec Too Much Information, le remix de Laoulou, un titre qu'il adore, Matou Matou, hein, il danse là-dessus tous les week-ends. Non, c'est pas vrai, je déteste. D'accord, bon, c'est pas grave, bon, on l'a écouté quand même. Dans quelques instants, Matou Matou en super forme avec plein de nouveautés à nous proposer, j'espère. Tout à fait. D'accord, il a fait sa petite sélection, il a bien eu le temps cette semaine, donc il a passé ses soirées à vous sélectionner plein de choses. Matou Matou, c'est jusque 20h.